on se calme, va pas péter un câble. Moi, à ta place, j'irai lever les moutons. Cool, mais qu'on se calme, trouve-toi une vie plus stable que celle où tu t'emmerdes à vous jouer les dames. Thank you.